down, we stand up, to get down, we stand up, to get down, we stand up, to get down, we stand up, to get down, we stand up, to get down, we stand up, to get down. Avec le Groove Cats qui démarrait ce 9-10 morceau qui va d'ailleurs certainement vous rappeler de bons souvenirs que vous avez vécu durant le mois de juillet ou le mois d'août. Et c'est Juliette que vous entendez en ce moment avec Avalon. C'est remixé, devinez par qui ? Par David Guetta. Décidément, il est partout celui-là. 9h08. Bonne matinée, très bon week-end. Merci d'être avec nous. Vous ne touchez absolument rien. Vous restez bien bloqué sur 95.30 parce que vous avez un rendez-vous hyper important. Ne surtout pas louper. Ce sera dans un peu moins de 10 minutes. Ce sera le Star News. A tout à l'heure. Because we're Cette semaine, il y aura également la famille Beckham, Laurence Ferrari et enfin la princesse Stéphanie de Monaco. Des fans pas comblés par Robbie Williams, eh bien oui, ça existe. Des centaines de personnes qui avaient déboursé 150 euros et plus pour assister à un concert de l'artiste anglais au Royaume-Uni ont malheureusement déchanté quand elles ont appris que la société auprès de laquelle elles avaient réservé leur place avait mis la clé sous la porte. Pas de ticket, pas de remboursement, pas de concert et pas plus si infinité. Mais bon, c'est pas de la faute du pauvre Robbie. Décidément, la famille Gibson ne fait pas bonne figure auprès de la police. Après le père récemment arrêté pour conduite en état d'ivresse, c'est le fils qui fait des siennes. On vient en effet d'apprendre que le fils de l'acteur prénommé Christian a été plusieurs fois arrêté par la police avec contre lui, conduite en état d'ivresse et même possession d'armes à feu. Christian suit les traces de son père. Mais malheureusement, ce ne sont pas les bonnes. Claudia Schiffer va prochainement avoir quelques petits ennuis puisque la police a reçu plusieurs plaintes contre elle, ou plutôt contre ses chiens. Selon un porte-parole, les chiens du célèbre mannequin auraient mordu un autre chien et seraient toujours déchaînés. Il faut croire qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour elle qui vit dans un manoir. On ne sait pas si la belle Claudia devra se séparer de son lévrier irlandais et de son berger allemand, mais en tout cas, elle a du souci à se faire. La starlette et la figure de la jet set américaine Paris Hilton, héritière de la chaîne d'hôtels du même nom, a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi à Los Angeles pour conduite en état d'ivresse, a-t-on appris de sources policières. L'arrestation s'est produite à 0h30 locale au centre du quartier de Hollywood, au nord-ouest de Los Angeles, après que des motards de la police eurent remarqué que la Mercedes SLR de la jeune femme, une voiture de sport de plus de 600 chevaux tout de même, roulait de manière désordonnée. Un test d'alcoolémie a démontré que Mademoiselle Hilton présentait un taux égal à la limite autorisée et elle a été conduite au commissariat de police tout proche avant d'être relâchée 2h40 plus tard. Victoria, l'épouse du footballeur anglais David Beckham, attendrait un quatrième enfant, a révélé lundi soir la première chaîne de télévision espagnole dans son programme quotidien consacré aux célébrités. Qualifiant cette information d'exclusive, la chaîne a montré David Beckham, milieu international du Real Madrid, interviewé au volant de sa voiture à Madrid et paraissant confirmer la nouvelle sans toutefois le faire explicitement. Les Beckham ont déjà trois garçons, Brooklyn, Romeo et Cruz. Victoria, l'ex-chanteuse des Spice Girls, avait donné naissance à Cruz en février 2005, c'était à Madrid. David Beckham, 31 ans, qui joue au Real Madrid depuis l'été 2003, serait sur le point de prolonger son contrat avec le club, vice-champion d'Espagne jusqu'à la mi-2009, selon les dirigeants du club. L'animatrice Laurence Ferrari, qui a monté sa propre agence de presse pour sa nouvelle émission Dimanche Plus, pour la chaîne cryptée Canal+, est ravie. Laurence Ferrari a démarré dimanche dernier, donc c'était à midi 40. présente son émission de 52 minutes de direct pour décrypter la campagne électorale et déclare à Téléstar « Je suis hyper heureuse. J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix en étant sur la bonne chaîne avec la bonne émission au bon moment. » Elle avoue des tensions avec TF1 et préfère ne pas trop en parler du fait que son mari Thomas Hugues est en contentieux avec la première chaîne. Et à propos de son nouveau salaire, elle déclare « Cette année, je suis bien payée, au moins autant qu'à TF1, sauf que je réinvestirai les trois quarts dans l'entreprise pour laquelle j'ai embauché une quinzaine de personnes. » Paris Hilton, c'est réconforter les plaqués. On pourra cracher tout le venin du monde sur Paris, mais oui, il y a de quoi. Mais rendons-lui au moins tout de même hommage en la félicitant, car voilà une jeune fille qui sait réconforter les pauvres messieurs après une rupture. Prenez le musicien batteur Travis Barker, par exemple. Après avoir rompu avec sa femme et s'être senti esselé pendant quoi? Allez, quelques jours, Paris Hilton s'est empressé de le réconforter. Comment? C'est très simple. En l'accompagnant au Pure Club de Las Vegas, c'était la semaine dernière, puis au club de striptease Spearmint Rhino, un des clients du bar a déclaré au journal Le Sun que la soirée a été très animée. Le couple d'occasion s'embrassait puis se chevauchait sur les fauteuils lits du club devant les regards des amis de Paris ainsi que celui de sa sœur Nikki. La soirée s'est continuée peu après dans la limousine VIP avec un lap dance quelque peu sexe, sans oublier la consommation obligatoire, et ce devant le regard des passants, clients et videurs. Prison ferme pour des SMS à la princesse Stéphanie. Le tribunal correctionnel de Monaco a condamné un ancien valet du palais princier à 16 jours de prison ferme. L'homme avait envoyé plusieurs SMS à caractère amoureux à la princesse Stéphanie. C'est ce qu'on appelle se prendre un râteau princier. Un homme de 30 ans a été condamné à passer 16 jours en prison après avoir envoyé plusieurs SMS à caractère amoureux à la princesse Stéphanie, indiquait mercredi le tribunal correctionnel de Monaco. L'ancien valet du palais princier s'est dû infliger cette sentence pour avoir le 29 juillet téléphoné à la princesse et envoyé 5 SMS en lui demandant un rendez-vous. Il avait déjà été condamné le 29 novembre 2005 à 8 jours de prison avec sursis pour l'envoi de 25 SMS à connotation sentimentale à la sœur du prince Albert II. Le président du tribunal correctionnel, Emmanuel Robin, a déclaré que l'auteur des messages à la princesse semblait être perturbé. Absent mardi à l'audience, il avait envoyé une lettre au parquet en expliquant qu'il désirait désormais quitter la région. Et bien voilà, c'est déjà la fin de votre Star News. Prochain numéro très bientôt sur Galaxy. Energy, even fall down to my knees. Try to sound fair, I fix my hair release the best of me. Feel like a geek, I sound corny, to me simple and cheesy. But it seems that there's no way on her, she lays her eyes on me. Try to dance like Travolta, twip and shout for toi et moi. I hit into my father's van, proposes baseball time, but now I'm done. Yeah. Oh, du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre prochains. C'est partout en France. Et justement, à ce sujet, la ville de Waterloo vous a concocté un programme riche et varié autour des géants. Exposition, ateliers, concerts, visites, jeux traditionnels, théâtre équestre, etc. Programmation complète, disponible à l'office du tourisme rue Carnot. Ou alors, vous pouvez aussi appeler, c'est le 03 20 75 85 86. 03 20 75 85 86. Journée du patrimoine au parc de la Deule, les 16 et 17 septembre. Deux jours, deux lieux pour aller à la rencontre du patrimoine naturel et architectural. Balade, visite et animation gratuite pour toute la famille. Renseignements 03 20 58 08 61. 03 20 58 08 61. Le conseil communal de santé organise la fête de la santé du 19 au 23 septembre. C'est à la salle Roger Salengro à Waterloo. Pendant ces 4 jours, retrouvez le chemin du bien-être dans son corps et sa tête, dans son environnement. Le bien-être chez les tout-petits. Ouvert à tous. Renseignements 03 20 81 64 73. 03 20 81 64 73 ou sur le net www.santé-waterloo.fr. Le Nord Art Musique Électronique seconde édition aura lieu du jeudi 21 septembre au vendredi 20 octobre sous la direction de Art.M. Le meilleur de la vague électronique déferlera au Tripostal de Lille les jeudis 21, vendredi 22 et samedi 23 septembre de 20h à 6h du mat. Réservation, point de vente habituel de votre ville, programmation par téléphone 03 20 367 210 ou sur le net www.lenemfestival.com. L'école municipale de coupe et couture vous propose ses cours de broderie, art, décoration, patchwork et couture tout au long de l'année scolaire 2006-2007. Les inscriptions sont ouvertes du mardi au vendredi au 27 rue de Stalingrad à Waterloo. Et si vous voulez quelques infos, eh bien vous pouvez appeler au 03 20 02 63 83. 03 20 02 63 83. Cette année encore, l'association waterloosienne White and Blue Gym organise sa semaine porte ouverte. Du 10 au 16 septembre, venez assister et participer gratuitement à tous les cours proposés durant l'année. Et si vous voulez des infos, eh bien vous pouvez appeler le 03 20 81 14 25. 03 20 81 14 25. Galaxy. Tout de suite sur Galaxy, retour de la meilleure musique. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. So qu'on ressortait pour vous ce matin du côté de Remember. C'était Weekend, titre de circonstance pour cette belle journée. Dans un instant, Ron Carroll avec The Only Way Up, histoire d'amener un petit peu de soleil dans votre radio. Et là, ce qui arrive, eh bien, c'est à écouter attentivement parce que franchement, ça vaut le détour. C'est Paul Anklefold, la voix de Brittany Murphy, et le morceau s'appelle Faster Kill Pussycat. Can't stand to see you cry. Honey, you know where the world is at. Get what you want with your lucky eyes. Oh, 9h42, attention, nous allons jouer, c'est peut-être vous qui allez gagner. J'ai pour vous au standard une compile et une entrée gratos valable pour les boîtes de la région et uniquement pour les soirées du week-end prochain. Pour cela, bien sûr, vous devez nous appeler, finir 10e au standard, 03 20 83 57 57. En attendant, voici Charam. Thank you. presents you're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy, baby. It's on for any season. I've got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. You gonna want me, but I'm when you want me. It might be a different story. I know. You gonna want me, but I'm when you want me. It might be a different story. Season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy, baby. It's on for any season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. I know. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know. You're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. Galaxy 9h56, voici venu non pas le temps des rires et des chants, comme le disait si bien la chanson dans Casimir, mais le temps de se quitter. Avant de disparaître, évidemment, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien et comme d'hab, soyez prudents sur les routes. Dans un instant, le sound system de Jérémy jusqu'à 14h sur Galaxy. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt. Ciao. Galaxy. Don't stop music. music. Nous enchaînerons avec un interlude musical. Sur Galaxy.